الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Sitruhu yughatti al-uyub, son voile cache et préserve les défauts. Dhikruhu yughatti al-qulub, et son évocation nourrit les cœurs. Wa afuhu yahriqu al-dhunub, et son pardon brûle les péchés. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu tuteur des vertueux قال تعالى il dit lui le tout puissant et le très haut يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire de l'évocation de Dieu par vos biens ou par vos enfants, celui qui s'en laisse distraire, ce sont ceux-là les perdants. أخي, أختي, frère, sœur, لا تجعل من أموالك ولا من أولادك طريقا للخسارة. Ne fais pas de tes biens, de tes enfants, un chemin vers la perte. Oulaika humul khasirun, ce sont ceux-là les perdants. Bal ij'al minhuma tariqan lirribh wan najah. Plutôt fais des deux, c'est-à-dire tes biens, tes enfants, un chemin vers la réussite et le succès. Wadhif malak alladhi ataaka Allah li tarbiyati awladik. Utilise la fortune ou les biens que Dieu t'a donnés pour l'éducation de tes enfants. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-Sadiq al-Amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Qala sallallahu alayhi wa sallam, il dit prière et salut sur lui, idha mat ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Quand le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent sauf dans le cas de trois cas. Sadaqatin jariyatin, une aumône permanente, durable, ou ilmin yuntafa'u bih, ou bien une science utile pour autrui, ou waladin salihin yad'u lah, ou un enfant vertueux qui lui fera des prières. Rawahu al-imam muslim wa ghayruhu, rapporté par l'imam muslim et par d'autres. Akhi, ukhti, frère, sœur, إذا لم يكن لك المال للصدقة الجارية dans le cas où tu n'as pas frère ou sœur la fortune afin de faire ou de donner une aumône durable ou permanente ولم يكن لك العلم et dans le cas où tu n'as pas la science فعلى الأقل au minimum لا تحرم نفسك من تربية أولادك على الصلاح au minimum ne te prive pas d'éduquer tes enfants sur le chemin de la vertu, ainsi tu vas profiter de leurs prières vertueuses en ta faveur après ta mort. Sayyid Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs, en islam, ahbab al-habibi muhammadin al-mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdaru salati wa azka salam. إننا في هذا الأسبوع عشنا بداية سنتين. Dans cette semaine, nous avons vécu le début de deux années. السنة الهجرية 1430, l'année de l'Hégire 1430, والسنة الميلادية بداية السنة الميلادية 2009. Et le début de l'année 2009, après la naissance de Jésus, prière et salut sur lui. وبداية السنة أو البداية تذكر في الحقيقة المسلم ببداية كل شيء. Et le début, normalement de l'année, fait rappeler le musulman le début de toute chose. وفضلت اليوم أن أتكلم عن بداية الأولاد بعد الزواج. Et aujourd'hui, j'ai préféré de vous parler du début des enfants après le mariage. مع هذه الآية الكريمة, avec ce verset coranique, يقول الله تعالى وتبارك, dans lequel Dieu le Très-Haut dit, لله ملك السماوات والأرض. À Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre. يخلق ما يشاء. Il crée ce qu'il veut. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des mâles. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Ou bien il donne à la fois mâle et femelle et il rend qui il veut stérile. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Il est infiniment sachant et capable. فهناك أربع حالات للهبة الإلهية فيما يخص الأولاد. Il y a quatre cas pour les dons divins en ce qui concerne les enfants. الأولى, le premier cas, يَهَبُ اللَّهُ لِلْوَالِدَيْنِ البنات فقط. Dieu offre aux parents uniquement des filles. الحالة الثانية, le deuxième cas, يهب الله للوالدين البنين, يعني الذكور فقط. Dans le deuxième cas, Dieu donne aux parents uniquement des fils. ثالثا, الحالة الثالثة, le troisième cas, يهب الله الوالدين البنين والبنات. Dans le troisième cas, Dieu donne aux parents des garçons et des filles, un mélange. والحالة الرابعة والأخيرة, et le dernier et le quatrième et dernier cas, لا يهب الله للوالدين شيئا من الأولاد, لا ذكور ولا إناث. Dans le quatrième cas, Dieu ne donne aux parents ni fils ni fille, ça veut dire pas d'enfant. وختم الآية بقوله عن نفسه, et Dieu a fini le verset coranique en disant, ça veut dire sur lui-même, إنه عليم قدير. Il est l'infiniment sachant et capable. يهب بقدرته عن علم وحكمة. Il offre, il donne par sa capacité, par sa puissance, mais selon une science et une sagesse, يهب ما يشاء لمن يشاء من عباده. Il donne avec sagesse et science ce qu'il veut à qui il veut de ses serviteurs. وهذه القاعدة مطبقة على كل الناس من غير استثناء. Cette règle est appliquée à l'humanité sans exception. حتى على الأنبياء منهم عليهم الصلاة والسلام. Elle a été appliquée même aux prophètes, prières et salut sur eux. أعطيكم بعض الأمثلة. Je vous donne quelques exemples rapidement. فلوط وشعيب عليهم السلام وهبهم الله البنات فقط من غير ذكور. À Lot et à Shu'aib, que les prières et les salutations de Dieu soient sur eux, Dieu leur a donné uniquement des filles, sans garçons. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهبه الله الذكور فقط من غير بنات. Et à Abraham, prière et salut sur lui, Dieu a donné, a accordé uniquement des garçons, sans filles. وآدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام, يا آدم يا محمد يا محمد prière et salut sur les deux, وهبهما الله البنين والبنات, à ces deux prophètes Dieu a accordé des garçons et des filles. فسبحان الله على حكمته, gloire et pureté à Dieu pour sa sagesse, والحمد لله على هباته, et la louange entière est à Dieu pour ses offres et ses dons. أيها الإخوة والأخوات, نلاحظ في هذه الآية أن الله بدأ أولا بالإناث ثم ذكر بعدهن الذكور. On remarque, mes frères et mes sœurs, que dans ce verset coranique, Dieu a commencé par les filles d'abord. Et après, il a cité les garçons. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des mal. قال المفسرون هنا كرم الله وشرف الإناث لأنه بدأ بهن. Les interprètes coraniques ont dit que dans ce verset Dieu a honoré les femmes parce qu'il a commencé d'abord de parler des femmes avant de parler des hommes. ولكن رغم ذلك فهناك ظلم كبير تجاه البنات. Et malgré cela, il y a une grande injustice à l'égard des filles. فالعرب كانوا ولا زالوا يكرهون ولادة البنات. Les Arabes, en général, détestaient dans le passé et dans le présent la naissance des filles. الحالة الأولى أو المثال الأول أو النقطة الأولى. Le premier point, ففي الجاهلية, dans la jahiliya, la période pré-islamique, يصف الله لنا حالة العربي المشرك لما يعرف ولادة بنت له. Dieu nous a décrit dans un verset coranique l'état d'un arabe associateur lorsqu'il apprenait la naissance d'une fille pour lui. قال الله, Dieu dit, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني وجهه يصير أسود لما يسمع زاد عنده بنت. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Dès qu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit, devient noir, tandis qu'il refoule son chagrin ou bien sa tristesse. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يبعد من الناس ما يحبش يشوفوه على ديك البشرة اللي جاتو. Il se cache des gens par honte de cette mauvaise nouvelle. أيمسكه يمسك هذه البنت أيمسكه على هون مع وجود الهوان أم يدسه في التراب أو يدخلها في التراب حية. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Doit-il garder cette chose avilissante ou va-t-il l'enterrer vivante. ألا ساء ما يحكمون. يقول الله في الأخير عن هؤلاء المشركين ألا ساء ما يحكمون. Combien est mauvaise leur façon de juger. فكان المشرك إذا بشر بولادة أنثى يتغير وجهه حزنا. L'associateur, lorsqu'on lui annonçait la naissance d'une fille, son visage, la couleur de son visage changeait par tristesse. ويمتلئ قلبه غيظا وحقدا. Et son cœur se remplit de haine et de colère. يختفي حياء وخجلا من رؤية الرجال. Il s'absentait, il se cachait par pudeur, par honte, pour ne pas être vu par les hommes. لأجل هذه البشارة السيئة, à cause de cette mauvaise nouvelle. لأنه لا يريد بنت. Parce qu'il ne veut pas avoir une fille. ويتساءل. Et il s'interrogeait. أيتركها حية. Va-t-il la laisser vivante. ولا يقتلها. Sans la tuer. مع وجود الهوان والذل والعار. Avec l'existence de l'avilissement, de l'humiliation et du déshonneur. أم يخفيها تحت التراب ويرتاح. Ou bien doit-il l'enterrer dans la terre pour se reposer enfin. وكان هناك من يفعل الحل الثاني. Il y avait des gens qui optaient pour la deuxième solution. قال تعالى, Dieu a dit dans un verset, وإذا الموءودة سئلت. Quand la fille enterrée vivante à sa naissance sera interrogée, ça veut dire le jour de la résurrection, بأي ذنب قتلت. Pour quel péché a-t-elle été tuée. كانوا يفعلون ذلك خوفا من العار الذي ممكن أن تقوم به ربما الفتاة. Il faisait ça par crainte du déshonneur qui peut-être, il y a une petite probabilité qu'il sera commis par la fille. أو خوفا من الجوع. Ou bien il faisait cela aussi à cause de la crainte de la famine. النقطة الثانية, le deuxième point. أما في فترة الإسلام. Mais en ce qui concerne, ça c'était la période pré-islamique, la jahiliya, mais dans la période islamique maintenant, ou d'islam, il y a des hommes qui insultaient leurs femmes, sans savoir, et à cause d'une foi faible. أن زوجته هي السبب لأنها لا تلد له إلا البنات. Il insultait sa femme en pensant que c'est elle la cause parce qu'elle ne donnait naissance qu'à des filles. فإما يطلقها soit il la répudiait وإما يتزوج بأخرى بحثا عن الذكور ou bien il se mariait avec une deuxième femme afin de chercher des garçons. ناسيا أن الله هو الذي يختار ويهب ما يشاء. En oubliant que c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui donnait ce qu'il voulait. وجاء العلم الحديث. Et la science moderne est arrivée. وبرأ العلم الحديث المرأة. Et la science moderne a innocenté la femme. وبين أن الرجل هو المسؤول عن ولادة الذكر أو الأنثى. Et la science moderne nous a montré, nous a expliqué que c'est l'homme qui est responsable de l'avenue d'une fille ou d'un garçon et la femme est innocente. والرجال حتى الآن بما فيهم الملتزمين المتدينين فيهم من يكره ولادة الفتاة. Et jusqu'à nos jours, les hommes et même les pratiquants parmi eux détestent la naissance de la fille. إما خوفا من العار soit par crainte du déshonneur, ربما لن تكون صالحة بمعنى فاسقة. Peut-être cette fille ne sera pas vertueuse. Ça veut dire elle sera dévergondée, facide, mauvaise. وإما خوفا من ضياع الإرث ou par crainte de la perte de son héritage. Ça veut dire lui, il a travaillé toute sa vie et au lieu que son héritage va vers ses enfants, lorsqu'il n'a pas des garçons, son héritage sera partagé entre ses filles et ses frères. ففي حالة البنات فقط سيرث معهن إخوانه أو أولاد إخوانه. يقول الله ألا ساء ما يحكمون. Dieu conclut par ce verset combien est mauvaise leur façon de juger. فكل هذا في شيء من الجاهلية. Il y a dans tout cela une partie de la جاهلية. Du caractère jahilique. Atarda ya akhi, an tatasarraf kal rajul al jahili, acceptes-tu frère d'agir comme un homme de la période pré-islamique, raghma anna Allah sharrafaka bil islam, malgré que Dieu t'a honoré par l'islam. Wa huna urid an unaqish hadhihi al halat. Et là j'aime étudier ou discuter ces cas. Awalan, le premier point, al-asl, en principe, أن المسلم يرضى بما أعطاه الله. Le vrai musulman, normalement, accepte ce que Dieu lui donne. بناتاً فقط, soit uniquement des filles. أو ذكوراً فقط, ou soit uniquement des garçons. أو بنين وبنات, ou bien un mélange de garçons et de filles. أم لا شيء, يعني عقيماً. Ou bien il doit même accepter le cas où Dieu fait de lui un stérile. Ça veut dire pas de garçon ni fille. Al-Muslim al-Haqiqi yarda bi'ata'illah. Le vrai musulman accepte le don de Dieu. Yarda bi'iradatillah. Accepte la volonté de Dieu. Wa akthar min hada yafrah bi'nasibi. Et en plus de tout cela, le musulman devient joyeux, heureux de sa part que Dieu lui a réservée. Parce que le musulman a la confiance totale en Dieu. Le vrai musulman s'en remet à Dieu. Le vrai musulman n'oublie pas que Dieu, dans son royaume, agit d'après une science et d'après une sagesse. بِمَعْنَا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ مَا فِيهِ صَلَاحٌ لَهُ. Ça veut dire Dieu sait le bien pour toi, où est le bien pour toi. فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ بِحِكْمَتِهِ. Et Dieu lui a donné cela avec sagesse. الْمُسْلِمْ لَا يَنْسَى هَذِهِ الْآيَةِ. Le musulman n'oublie jamais ce verset coranique. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Or, il se peut que vous n'aimiez pas une chose, alors qu'elle représente un bien pour vous. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle représente un mal pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمْ. Dieu sait. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et vous ne savez point. فَرُبَّمَا تَكْرَهُ الْبِنْتِ وَفِيهَا خَيْرٌ كَبِيرٌ لَكْ. Il se peut que le jour de sa naissance, la naissance d'une fille à toi, tu vas détester cette naissance. Mais peut-être, mon frère, il y a un grand bien dans cette fille pour toi. وَرُبَّمَا تُحِبُّ الْإِبْنِ وَفِيهِ شَرٌ كَبِيرٌ لَكْ. Il se peut que tu aimes avoir un garçon. Et peut-être il y a un grand mal dans ce garçon. وَاللَّهُ يَعْرِفْ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفْ. Et Dieu sait tout cela et toi tu ne sais rien. فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَارْضَ بِإِرَادَتِهِ. Donc remettons à lui et accepte sa volonté. النُّقْطَةُ الثَّانِيَةُ. Le deuxième point. نَقُولُ لِلْأَخِ لِمَاذَا تَكْرَهُ الْبِنْتُ وَتُفَضِّلُ الْإِبْنُ. Frère, pourquoi détestes-tu la fille et tu préfères le fils? يَقُولُ لَكَ أَخَافَ أَنْ لَا تَكُونَ صَالِحَةً. La réponse, mon frère, j'ai peur qu'elle ne soit pas vertueuse. وَهُنَا فِي الْجَوَابِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ. Et dans la réponse se trouvent trois cas. أَوَلًا. Premièrement, يَا أَخِي مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا سَتَكُونَ غَيْرَ صَالِحَةً. Qu'est-ce qui t'a fait savoir que cette fille ne sera pas vertueuse, ô mon frère? هَذَا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Tout cela est caché, ça veut dire ça fait partie des sciences de l'inconnu ou de l'avenir qui ne sont connues que par Dieu. أَنْتَ لَسْتَ مُطَالَبًا بِصَلَاحِهَا. Toi, mon frère, tu n'es pas responsable de sa vertu, de la vertu éventuelle de ta fille. أَنْتَ مُطَالَبٌ فَقَطْ بِتَرْبِيَتِهَا وَتَعْلِيمِهَا. Toi, mon frère, tu es responsable uniquement de son éducation et de son apprentissage. أما النتيجة صلاح غير صلاح فهذه بيد الله. Tandis que le résultat escompté, ça veut dire la vertu ou l'absence de vertu, appartient à Dieu subhanahu wa ta'ala. فالله يفعل ما يريد. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. أولاد الأنبياء كان فيهم غير الصالح. Parmi les enfants des prophètes, il y avait le nom vertueux. فلا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله. Donc ne prends pas la responsabilité que Dieu ne t'a pas donnée. كن أنت صالحا. Sois vertueux, mon frère. وربما صلاحك يكون بإذن الله سببا في صلاحها. Il se peut que ta vertu soit une raison pour sa vertu à elle. انظر المثال في سورة الكهف. Regarde l'exemple dans le chapitre La Caverne. كيف حمى الله الكنز لليتيمين الصغيرين. Regarde comment Dieu a préservé, a sauvegardé le trésor pour les deux petits orphelins. لماذا? Pourquoi? تقول الآية, le verset dit وكان أبوهما صالحا. Et son père ou leur père fut un vertueux. صلاح أبيهما هو السبب. C'était la vertu ou la raison était la vertu de leur père. وانظر المثال الثاني في نفس السورة. Et regarde le deuxième exemple dans le même chapitre. كيف قتل الله الغلام الذي كان سيصير طاغيا وكافرا في كبره حتى لا يعذب والديه. Comment dans le deuxième exemple Dieu a tué le jeune à son bas âge parce qu'il allait devenir à l'âge adulte un tyran et un mécréant et allait causer la souffrance de ses parents. لماذا? Pourquoi? تقول الآية, le verset dit فكان أبواه مؤمنين. Leur ou ses parents furent croyants. إيمان الوالدين هو السبب. C'était la foi des parents qui était la raison. كن مؤمنا صالحا. Sois un croyant vertueux. ورب ابنتك وعلمها كما أمرك الله. Et enseigne à ta fille ce que Dieu t'a ordonné et éduque-la l'éducation islamique. واترك الباقي لله. Et laisse le reste pour Dieu subhanahu wa ta'ala. النقطة الثانية, le deuxième point. يا أخي تكره البنت وَتُفَضِّلُ الْإِبْنِ Tu détestes, mon frère, la fille. Et tu préfères le fils ou bien le garçon. خَوْفًا أَنْ لَا تَكُونَ صَالِحًا De crainte que la fille ne soit pas vertueuse. أَقُولُ لَكْ Je te dis. أَنْتَ لَسْتَ عَادِلًا إِذًا Tu n'es pas équitable donc. وَاللَّهُ يَأْمُرُكَ بِالْعَدْلِ Et Dieu t'ordonne l'équité. رُبَّمَا لَمْ تَفْهَمْ أَشْرَحْ Peut-être que tu n'as pas compris. J'explique. تخاف أن لا تكون البنت صالحة فأردت ابنا Tu as peur que la fille ne soit pas vertueuse, raison pour laquelle tu as souhaité avoir un garçon. أقول لك, je te dis, وما أدراك أن الابن سيكون صالحا Et qu'est-ce qui t'a fait savoir, qui t'a informé que le fils le sera بما أنك لا تعرف الجواب Comme tu ne connais pas la réponse, فالأصل أن تقول أنا أخاف أن لا يكون الولد يعني سواء ذكرا أو أنثى صالحا normalement tu devais dire mon frère j'ai peur que l'enfant garçon ou fille ne soit pas vertueux فلهذا أفضل أن أكون عاقرا raison pour laquelle je préfère être stérile لا بنات ولا بنين ça veut dire pas de fille et pas de garçon parce que l'un ou l'autre peut être non vertueux ولكن مع الأسف عند الرجال فكرة خاطئة mais malheureusement il y a auprès des hommes une mauvaise ou une idée fausse وهي أن الابن لما يصبح رجلا l'idée c'est que le garçon lorsqu'il deviendra homme إن قام بالحرام فهذا لا يضر si le garçon à l'âge adulte commet l'adultère commet le haram l'interdit ceci n'est pas grave يتوب من بعد il va se repentir par la suite ونزوجه et on va le faire marier وتنتهي القضية et l'affaire prend fin أقول وهل البنت إذا صارت امرأة وقامت بالحرام وأرادت التوبة الصادقة هل الله سد باب التوبة أمامها et je dis dans un second lieu la fille lorsqu'elle devient adulte c'est-à-dire une femme dans le cas où elle commet l'interdit et elle veut faire le repentir sincère, est-ce que Dieu, selon toi, lui a fermé la porte du repentir ? Al-Jawab la, la réponse non. Babu at-tawba maftouh fil islam lir-rijal wa lin-nisa. La porte du repentir est ouverte en islam pour les hommes ou pour les femmes. Likullin al-haqq fit-tawba idha akhta en islam. Chacun a le droit de se repentir en cas d'erreur. Araït, Allah yaqbal tawbat ar-rajul wal mar'a. As-tu vu, frère, Dieu accepte le repentir de l'homme ou bien de la femme. Wa anta la taqbalu illa tawbat al-ibn wa tarfudu tawbat al-bint. Et toi, tu refuses le repentir à la fille et tu l'acceptes du garçon. Wa hadha dhulmun. مبني على أنانية إلى il s'agit d'une injustice basée sur l'égoïsme بمعنى تقبل العار الآتي من الابن أمام الناس ولا تقبل نفس الشيء من البنت ça veut dire tu acceptes le déshonneur qui peut venir de la part d'un garçon mais tu l'acceptes pas lorsque le même déshonneur vient du garçon, de la fille ثالثا وأخيرا troisièmement أخي هل أنت صالح؟ Frère, es-tu vertueux? Ça t'appelle fil ijaba na'am. Tu vas dire dans la réponse oui. أقول من الحكمة أن يعطيك الله البنات حتى تربيهن وتعلمهن الإسلام والحياة. Je dis, mon frère, par sagesse, Dieu va te donner des filles parce que tu es vertueux. Comme ça, tu vas les éduquer, tu vas leur enseigner l'islam et la pudeur. وهكذا يجد الصالحون صالحات يتزوجن بهن في المستقبل et ainsi les vertueux grâce à toi vont trouver des vertueuses afin de se marier avec elles dans l'avenir أما لو كان كل الصالحين لا يرغبون في البنات mais dans le cas où tous les vertueux ne souhaitent pas ou détestent les filles وأعطاهم الله الذكور فقط et Dieu leur a donné uniquement des garçons وأعطى الله البنات لغير الصالحين et dans le cas où Dieu aura donné des filles uniquement aux non-vertueux et ces filles sont devenues non-vertueuses par manque d'éducation avec qui donc vont se marier les garçons ou les hommes vertueux dans l'avenir وفي الأخير إليكم هذه الأحاديث النبوية. À la fin, je vous présente quelques ou bien deux hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها, عائشة, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, prière et salut sur lui, dit, من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن, celui qui sera éprouvé par un certain nombre de filles et il se comporte bien avec elles, كن له سترا من النار, elles deviendront pour lui un voile contre l'enfer. رواه الإمام البخاري, يعني متفق عليه, unanimement authentique. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et sage lui dit, من عال جاريتين حتى تبلغ, celui qui prend en charge deux filles jusqu'à leur majorité, جاء يوم القيامة أنا وهو, il viendra le jour de la résurrection avec moi, وضم أصابعه, et le prophète prière et sage lui a réunit ses deux doigts, بمعنى يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم, ça veut dire il sera le jour de la résurrection à côté du prophète prière et salut sur lui. فولادة البنت وتربيتها يا أخي طريق إلى الجنة وطريق لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم. On comprend de tout cela que la naissance ou avoir des filles et les éduquer comme l'islam l'a souhaité, ceci constitue un chemin direct vers le paradis et un chemin vers la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullaha at-tawfiq, on demande à Dieu de l'aide. Aqulu qawli hadha wa usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqu wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, هناك ثلاث نقط في هذه الجمعة أو في هذه الخطبة الثانية. Je vais aborder trois points rapidement dans ce deuxième discours. إننا في اليوم الثاني من سنة 2009. On est dans le deuxième jour de l'année 2009, بعد ولادة عيسى عليه السلام, après la naissance de Jésus, prière et salut sur lui. ولهذا سنعيش مع قصة ولادة عيسى عليه السلام باختصار شديد, raison pour laquelle on va vivre quelques instants avec l'histoire de la naissance de Jésus, prière et salut sur lui. يقول الله تعالى, Dieu le Très-Haut dit, إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Lorsque la femme de Imran dit, Seigneur, je te voue ce qui est dans mon ventre, libéré de toute autre attache, agrée mon offrande, tu es le parfait audiant et le parfait sachant. امرأة عمران كانت عاقرا. La femme de Imran fut stérile. وطلبت الله الولد. Elle a demandé à Dieu un garçon. فاستجاب الله دعاءها. Et Dieu a exaucé sa prière. فلما أحست بالحمل, lorsqu'elle a senti la grossesse, تكلمت مع الله. Elle a parlé avec Dieu, بإخلاص, avec sincérité. وسألته ذكرا. Et elle lui a demandé un garçon, ليكون طول حياته في خدمة البيت المقدس, afin qu'il consacre toute sa vie au service du temple sacré. وسألت الله أن يتقبل نظرها. Elle a demandé à Dieu d'agréer sa promesse ou son offrande. إنه سميع لكلامها, parce que lui, certes, il écoute sa parole, عليم بنيتها وإخلاصها, et certes, il connaît son intention et sa sincérité. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكر أم أنثى, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans son ventre, un garçon ou bien une fille. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. Lorsqu'elle l'eut mise au monde, elle dit: Seigneur, je l'ai mise femelle, et Dieu est plus averti de ce qu'elle a mis. وليس الذكر كالأنثى, et le mâle n'est pas comme la femelle. وإني سميتها مريم, je l'ai nommée Marie. مريم يعني خادمة الرب. Marie signifie la servante du Seigneur. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم, et je la mets sous ta protection ainsi que sa progéniture contre le démon lapidé. بعد الولادة, après l'accouchement, حزنت امرأة عمران, la femme de Imran était devenue ou est devenue triste. أنها وضعت أنثى, parce qu'elle a mis au monde une femelle. والأنثى ليست كالذكر الذي يصلح لخدمة البيت, et la femelle, la fille, n'est pas comme le garçon qui peut être au service de, du temple. ورغم ذلك وفت امرأة عمران نظرها, et malgré tout cela, la femme de Imran a honoré sa promesse à Dieu. ووضعت مريم في خدمة البيت منذ صغرها, et elle a placé sa fille Marie au service du temple depuis son bas âge. يقول الله تعالى, Dieu dit dans un verset suivant: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. Son Seigneur l'agréa d'une bonne manière et la fit pousser d'une belle façon. تقبل الله أن تكون مريم خالصة للعبادة وخدمة البيت رغم صغرها ورغم أنوثتها ورغم أن ذلك كان خاصا فقط بالرجال. Dieu a agréé de Marie qu'elle soit pure pour son adoration et pour être au service du temple, malgré son bas âge, malgré sa féminité et malgré que cela était réservé strictement aux hommes. وكبرت مريم عليه السلام, et Marie, que les prières et salutations de Dieu soient sur elle, a grandi. فأتتها الملائكة, les anges sont venus vers elle. تقول الآية, le verset dit: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Lorsque les anges dirent: Ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des humains. ثم تقول الآية بعدها, et par la suite l'autre verset dit: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Et lorsque les anges dirent: Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui, son nom est le Messie, Jésus fils de Marie, notable dans ce bas monde et dans l'autre monde et parmi les rapprochés. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. ولا إله إلا الله, et il n'y a aucune divinité à part Dieu. امرأة عمران طلبت لله فقط ابنا ذكرا لخدمة البيت. La femme de Imran a demandé à Dieu uniquement un garçon afin qu'il soit au service du temple. ولكنها لما رأت مريم, يعني رأت بنتا, حزنت, mais lorsqu'elle a vu que la venue était une fille, elle s'est attristée. لأنها لا تعلم الغيب, parce qu'elle ne connaît pas ce qui se passe dans l'avenir. ولكن في الحقيقة, mais en réalité, استجاب الله دعاءها, Dieu a bien exaucé sa prière. وأعطاها أكثر مما طلبت, et Dieu lui a donné plus que ce qu'elle a demandé. وكأن الله يقول لها, et comme si Dieu lui disait: يا امرأة عمران, ô femme de Imran, إني أعطيتك ما طلبت ابنا لخدمة البيت, je t'ai donné ce que tu as demandé, un fils au service de la religion. وهو عيسى عليه السلام, qui est Jésus, prière et salut. وأكثر من ذلك جعلته نبيا مباركا, et plus que cela, j'ai fait de lui un prophète béni. وأنت لم تطلبي نبيا, et toi tu n'as pas demandé un prophète. وأكثر من ذلك شرفته بمعجزة كبيرة, et plus que cela, je l'ai honoré par un grand miracle. خلقته من غير أب, je l'ai créé sans père, sans l'intermédiaire d'un mariage et d'un père. وهذا لم يكن ممكنا معك لأنك متزوجة بعمران, et cela n'a pas été possible avec toi parce que tu es marié à Imran. ولهذا أعطيتك أولا مريم لتلد هي من غير زوج, raison pour laquelle je t'ai donné d'abord Marie afin que Marie donne naissance à Jésus sans mariage. Et toi, tu n'as pas demandé ce grand miracle. Yamra'ata Imran, ô femme d'Imran, limada kul hada al-huzn, pourquoi toute cette tristesse? Wa qad a'taytuki ma lam a'ti limra'a fi ad-dunya, et je t'ai, malgré tout cela, je t'ai donné ce que je n'ai jamais donné à aucune femme de ce bas monde. Akhi, ukhti, frère, sœur, idha da'awta Allah, si tu invoques Dieu, si tu demandes quelque chose à Dieu, fala tahzan illam tara jawaban, ne t'attriste pas dans le cas où tu ne vois pas une réponse, فَرُبَّمَا سَيُعْطِيكَ أَحْسَن مِمَّا طَلَبْتَ, peut-être qu'il va te donner mieux que ce que tu as demandé, فَانْتَظِرْ وَسَلِّمِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ, donc attends avec patience et remettons à lui. النُقْطَ الثَّانِيَة, le deuxième point, إِنَّنَا فِي بِدَايَةِ سَنَةِ 1430, on est au début de l'année de l'Hégire 1430, بِمَعْنَا فِي شَهْرِ مُحَرَّم, ça veut dire on est dans le mois sacré, Muharram. وفي الأسبوع القادم يوم عاشوراء, et la semaine prochaine il y aura le jour d'Ashura, le dixième jour de ce mois. ومن السنة صيام يوم عاشوراء ويوم قبله, et de la sunna, ou d'après la sunna du prophète, prière et sacrifice, le jeûne, observer le jeûne pendant le jour d'Ashura, il y a un jour avant lui, ça veut dire le neuvième et le dixième, تسوع وعاشوراء, والأجر مغفرة ذنوب السنة الماضية, et le salaire auprès de Dieu sera le pardon des péchés de l'année écoulée, rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. النقطة الثالثة والأخيرة, le troisième et dernier point, رأيتم في هذا الأسبوع مصائب أهل غزة بفلسطين, vous avez vu pendant cette semaine les malheurs abattus sur les gens de Gaza, de Gaza en Palestine. قصف بالطائرات بعد حصار دام تقريبا سنتين, des bombardements aériens après un blocus général qui a duré à peu près deux ans. فهناك من أعطاه الله الولد وفرح به, il y avait des gens, ou il y a eu des gens auxquels Dieu a donné l'enfant, ils étaient contents de cet enfant, حتى وصل ما وصل من سنين, jusqu'à avoir atteint un certain nombre d'années. ولكن في هذا الأسبوع, mais pendant cette semaine, رآه يموت أمام عينيه, il l'a vu mourir devant ses yeux, وأمام أعين العالم, et devant les yeux du monde entier, أمام كاميرات العالم, devant les caméras du monde. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم, il n'y a ou bien nul pouvoir, nulle puissance qu'avec l'aide de Dieu le Tout-Puissant. عادة يقول المسلمون أمام هذه المشاهد المؤلمة, généralement les musulmans disent devant ces scènes qui font mal, ماذا فعل العالم, ماذا فعل غيري, ماذا فعل غيرنا لإعانة أهل غزة, généralement les musulmans s'interrogent devant ces scènes malheureuses pour dire qu'ont-ils fait ou qu'a-t-il fait, ça veut dire le monde, pour venir au secours des gens de Gaza. أقول لك, je te dis, أخي أختي, frère, sœur, ماذا فعلت أنت لإعانتهم, qu'est-ce que tu as fait toi-même pour les aider. فأذكر, je rappelle que أذكر أن دوري ودورك الشيء الذي ممكن أن أقوم به, الشيء الممكن الذي أن تقوم به أنت, je te rappelle ce qu'on peut faire. La première chose, c'est une aide financière. Le deuxième point, c'est de participer dans des manifestations pacifiques pour exprimer le désaccord avec ce qui se passe là-bas. الشيء الثالث هو لما تكون وحدك بينك وبين الله ادرف دموعا واسأل الله تعالى وتبارك الذي بيده مقادير كل شيء أن يرفع هذا البلاء وهذه المحن عن إخواننا وأخواتنا هناك. La troisième chose que tu peux faire, c'est lorsque tu es seul, à seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala, laisse couler quelques larmes et parle avec lui, parce qu'il est capable de tout faire. Par lui sincèrement, de lever le malheur qui a touché de mettre fin à ce malheur qui s'est abattu sur nos frères et nos sœurs à Gaza. واليوم ينظم المسجد جمع أموال لإعانة إخواننا وأخواتنا بغزة. Aujourd'hui, la mosquée organise une collecte d'argent pour venir en aide à nos frères et à nos sœurs de Gaza. فلا تبخلوا عليهم. Ne soyez pas avares à leur égard. أعطوهم. Donnez-leur de ce que Dieu vous a donné. ولا تخشون الفقر. Sans avoir crainte de la pauvreté. يعني من المؤسف. أن غير المسلم يرى ما يجري ويحزن وربما يساعد والمسلم يرى ولا يفعل شيئا. Ce n'est pas acceptable que le non-musulman observe ces scènes et s'attriste et peut-être même il aide et le musulman regarde et ne fait rien. وغدا ستكون مظاهرة بباريس على الساعة الثالثة فمن عنده وقت فليحاول أن يشارك في المظاهرة بطبيعة الحال سلميا. Demain il y aura une manifestation à Paris à 15h. Bien sûr, celui qui a le temps, il peut participer pacifiquement dans cette manifestation. وندعو في الأخير. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت لا تجعل فتنتنا في أولادنا. اللهم اجعلنا نرضى واجعلنا نقنع بما أعطيتنا يا ربنا. يا رب يا من لا إله إلا أنت أعنا على تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل من أموالنا ومن أولادنا طريقا إلى الجنة طريقا إلى الربح وليس طريقا إلى الخسارة. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا واحدا في عليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم. أرنا رحمتك أرنا رحمتك يا ربنا في قطاع غزة. يا رب عبادك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يتعذبون ولا ناصر إلا أنت. لا إله إلا أنت لا قوي سواك منذ سنتين والحصار يصيبهم يصيب الشيوخ والأمهات والردع والأطفال والبهائم. يا رب وفي هذا الأسبوع نزل عليهم ما نزل من بلاء طائرات تقصف مباني تهدم نساء ترمل أولاد تيتم. يا رب أرنا رحمتك يا رب إنهم من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قلت للنبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بما يجري. يا رب نسألك أن توقف هذا القصف. يا رب نسألك أن تحمي الضعفاء يا حامي المستضعفين احمي ضعفاءنا. يا رب ارفع بأسك وغضبك عن إخوتنا وأخواتنا. يا رب رد لهم السلام والأمن والاستقرار. يا رب افتح وأوقف هذا الحصار الظالم. يا رب هذا الذي نستطيع فعله فأرنا أنت ما تستطيع فعله يا جبار يا قوي إنا نتوجه إليك في ساعة الإجابة عند يوم الجمعة يا رب أنزل شآبيب رحمتك يا رب يا أمان أنزل الأمان على إخوتنا وأخواتنا يا رب دعوناك وإننا واثقون من الإجابة يا رب ارحمنا وارحم إخواننا إنك أنت أرحم الراحمين إنك أنت أكرم الأكرمين إنك أنت الجواد الكريم يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.